Le quotidien coréen Rodong Sinmun a inséré le 30 juillet un éditorial titré « Faisons briller à jamais l'histoire et la tradition patriotique et de fidélité des femmes coréennes ». L'auteur a qualifié la proclamation par le président Kim Il-sung de la loi sur l'égalité des sexes il y a 70 ans de grande fête nationale qui a opéré les changements révolutionnaires dans la position et le rôle des coréennes et aussi d'événements politiques qui brillera pour toujours dans l'histoire du mouvement des femmes de l'humanité. Ensuite, il a appelé toutes les femmes coréennes à s'unir étroitement autour du respecté camarade Kim Jong-un pour ainsi manifester dans le monde entier leur esprit révolutionnaire et leur esprit indomptable dans l'édification d'une puissance socialiste.